Suivez les enfants, s'il vous plaît. Oui. Dans le livre de Hébreux, oui. Au chapitre 6, oui. Le verset 4. Oui. La Bible dit d'abord que, car il est impossible. Impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Et les puissances des siècles à venir et qui sont tombées, soient renouvelées, amenées à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Quelle est la question, frère? À quel niveau est-ce que ces chrétiens-ci peuvent, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? Voilà, ça nous met dans le décor est planté, donc on va voir donc attention au blasphème. Allons-y. Ma Bible est pas où? Qui a pris ma Bible? Donc, la question donc, on va voir donc cela dans la Bible maintenant. Attention au blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Vous voulez qu'on voie ça? Hein? Amen. Maintenant, ce passage n'est pas terminé. Ce passage n'est pas terminé. Le passage que tu as cité, tu t'es arrêté exactement là où on s'est arrêté. Il y a une parabole après, n'est-ce pas? Qui parle de la pluie, de la terre, de l'herbe qu'elle donne pour les bénédictions, ou bien les chaudrons, ou bien les épines. N'est-ce pas? Voilà. Donc, notez ce passage dont il a dit, on va prendre à partir de là. Hébreux chapitre 4, chapitre 6. Prenez le verset 4 jusqu'au verset 6. Donc, on va voir attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Bonsoir encore, que le Seigneur vous bénisse. Donc, restez vraiment tranquille et suivez ça avec attention. D'accord? Donc, comme il a donné le fil de ce côté-là, prenons là-bas et puis avançons. Donc, notez, et vous avez noté ce hébreu-là, parce qu'on va prendre beaucoup de versets là maintenant, ça va nous faire circuler dans la Bible. Notez Hébreux chapitre 6, dans le verset 4. Si quelqu'un ouvre la porte là, ça va cogner cet enfant. Donc, tu n'es pas bien assis. Voici la place ici. Tu devais t'asseoir ici et puis tu mets l'enfant sur le tapis là. Dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Notez également Marc chapitre 3. Notez tout cela. Donc, ça veut dire qu'au cas où je laisse. Vous allez continuer à la maison. Notez Marc chapitre 3. Vous y êtes. Matthieu chapitre 12. Notez, parce qu'à un moment donné, on va aller partout là. Luc chapitre. Remarquez très bien que je vous donne seulement le chapitre, n'est-ce pas? Luc chapitre 12. Non, j'ai dit Marc chapitre 3, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 12. Luc chapitre 11. Notez aussi maintenant Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, vous avez prêché plusieurs fois. On parle de la parabole de la terre, la bonne terre, la semence qui tombe. C'est pour regarder avec la parabole qui suit ce que tu m'as demandé dans Hébreux chapitre 6 là maintenant. D'accord? Donc finalement, vous avez Marc chapitre 3, Luc chapitre, Matthieu chapitre 12, Luc chapitre 11, Marc chapitre 4, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 6, verset 4 et verset 6. D'accord? Notez également 1 Jean chapitre 5, verset 16. 38. Donc Jean chapitre 10 verset 26 à 38. On avance là rapidement et puis lâche l'autre. On avance. Notez enfin Jean chapitre 5 verset 15 à 25. Voilà. Maintenant, c'est bon. Pourquoi c'est important qu'on fasse attention? Notez également Jean, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 17. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 17. Donc, nous allons voir. Voici l'une des choses qui cause problème aux gens. C'est l'une des choses qui cause problème aux gens. Notez aussi Luc chapitre 10, verset 1 à 17. Waouh! Vous y êtes? Luc chapitre 10, verset 1 à 17. Jean chapitre 6 maintenant. Bon, maintenant, donc tous les versets sont donnés, à moins que le Saint-Esprit ne nous donne encore d'autres. Donc je vais parler au fur et à mesure, je vais citer dans ces versets-là, c'est partout, ça va circuler là maintenant. Maintenant, suivez attentivement. Dans Jean chapitre 5, que je vous ai donné là, du verset 15 au verset 25. Si vous remarquez d'abord le verset 14, c'est là, c'est, il s'agit de l'histoire de cet homme-là qui avait fait 38 ans de maladie. D'accord? Il s'agit de cet homme qui avait fait 38 ans de maladie. Quand le Seigneur l'a ressuscité, enfin, l'a guéri, il lui a dit, prends ton lit et marche et pars dans ta maison. Les pharisiens l'ont attrapé dans le temple en disant qu'il n'était pas permis de porter ton lit le jour du sabbat. Remarquez bien comment le verset commence. Le verset 14 commence comment? Il y avait le premier mot. Depuis? Non. Non, mais encadrez donc depuis dans votre Bible. Et vous mettez au-dessus après cela. D'accord? Vous avez vu? Il dit ici dans Jean chapitre 5, verset 14. Le premier mot, normalement, on vous a mis depuis là-bas. C'est un événement qui se passe dans le temple, dans cette portique-là. Il marche, il part rencontrer les Juifs, qui est toujours là-bas. Après, encore, il vient rencontrer Jésus. Donc, c'est après ces choses, après cela. Donc, notez, entouré, je n'ai pas demandé d'effacer depuis. Il dit, mettez au-dessus, encadré depuis. Maintenant, vous lisez avec après cela. Après, vous lisez avec depuis, ça n'a pas de sens. D'accord? Depuis, Jésus le rencontra. C'est quoi cette histoire? C'est après cela, Jésus le rencontra. D'accord? Voilà. Maintenant, à partir du verset 15, c'est là où ça commence à blesser. Vous avez remarqué que du verset 15 jusqu'au verset 20, il doit y avoir un antagonisme. Regardez bien attentivement. Dans ces versets 15 et suivants, le Seigneur Jésus-Christ révèle deux choses. Et voilà, ce sont des deux choses qui vont faire à ce qu'on va le condamner à mort. Il y a deux choses pour lesquelles le Seigneur fait et qu'on le condamne à mort. C'est-à-dire que voici pourquoi les Juifs voudraient que Jésus-Christ meure, pour qu'on le tue. La première des choses qui est mentionnée là-bas, c'est qu'il n'obéissait pas au sabbat. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous avez vu ça? Quel verset? Lisez à haute voix, tout le monde. À haute voix, verset 16. Voilà. Donc, l'une des premières raisons pour laquelle les Juifs voulaient tuer Jésus, c'est parce qu'il attendait toujours le sabbat pour venir guérir les gens. Donc, selon eux, ils n'obéissaient pas le sabbat. La deuxième chose pour laquelle on a tué, et c'est ça qui est son arrêt de mort, c'est qu'il se faisait lui-même Dieu. Continue le verset suivant. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, oui. Moi aussi j'agis. Oui, continue. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, hein? Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est faisant dans ce cas? C'est faisant lui-même égal à Dieu. Point final. Donc, quand le Seigneur parlait, c'est aujourd'hui qu'il y a l'ambiguïté. C'est aujourd'hui que les gens commencent à discuter au niveau de... Il y a quelqu'un sur Internet qui essaie d'esquiver le sujet de la divinité de Jésus. Vous voyez, il institue son message que Jésus est-il son propre Père? Le Fils est-il son propre Père? La question n'est pas, il est son propre Père ou il n'est pas son Fils ou il est quoi que ce soit. La question est, oui ou non est-il Dieu? S'il est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, alors c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc, vous voyez, il fait le message, essaie parce qu'il veut contredire le frère Junior. On ne peut pas contredire la Bible et aller neutre. C'est exactement ce que les Juifs comprenaient. Chaque fois qu'ils parlaient du Père, mon Père et moi, nous sommes un. Dans Jean chapitre 10, c'est la même chose. Quand il va dire le Père et moi, nous sommes un, ils vont prendre directement le caillou. Parce que le Père et moi, nous sommes un, ne veut pas dire autre chose que tu es Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, jusqu'aujourd'hui, les chrétiens charnels comprennent fils de Dieu comme si moi et mon fils là comme ça. C'est toujours comme ça jusqu'aujourd'hui. 2015 ans, les chrétiens continuent à comprendre ça comme ça. Pas étonnant qu'ils auront des problèmes avec les musulmans. Parce qu'ils disent que Dieu n'est pas un fils. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas avoir un fils. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Mais le fait que les gens expliquent en croyant que c'est il y a un père ici, un fils ici, ils comprennent qu'il y a un problème. Or, Jésus, notre Seigneur, a dit dans ce livre de Luc, je vous ai dit Luc chapitre 10 aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Je vous ai dit Luc, Luc chapitre 10, verset 1 à 17. J'ai limité au verset 17, c'est parce que là, où les versets 17, les disciples sont rentrés et se réjouissant que les démons le sont soumis. Si vous comprenez, continuez donc du verset 19 jusqu'en bas, vous allez remarquer que la Bible déclare qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a tressailli de joie en lui-même par le Saint-Esprit. Il a dit que Père, je t'ai loué de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants, n'est-ce pas? Après, il dit, toute chose m'a été donnée par le Père et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils. Il dit, personne ne connaît le Fils. Je suis dans Jean chapitre 10, dans Luc chapitre 10 là. Il dit, et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, c'est le Fils, ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, lis les livres, entend les sujets sur Dieu et sur Jésus, là, sur le Fils, le Père, là, ça ne fera pas quoi que ce soit. La preuve, voici l'embrouille. Donc, quand les gens entendent Fils, c'est comme cet homme-ci et ce petit garçon-ci, que voilà son Fils, comme je peux lui dire, va me prendre quelque chose là-bas. C'est ce que les gens comprennent. Je vous le dis, 99% des chrétiens comprennent ça comme ça. Sinon, dans ce cas, d'où sortit-il avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Comment au monde, celui-ci et moi, on peut être un? Comment au monde, je peux être égal à lui? Il dit, tout ce que le Père fait dans ces gens, chapitre 5, je vous ai donné là, verset 25 et suivant, que tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. C'est terrible. Après, il dit, toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, Dieu n'a plus de puissance. Tout genou fléchit dans les cieux sur la terre. Donc, Dieu, son genou doit fléchir. Et vous voyez, quelqu'un reste à la télévision parce qu'il veut me contredire. Il dit, oh Seigneur, toi le Dieu du ciel. Et la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il vient de dire, Seigneur, Père du ciel. Il dit, c'est Jésus-Christ. Il ne sait pas que c'est Jésus-Christ qui vient d'appeler. Il vient de dire qu'il est Père. Après, il intitule le message, Christ est-il son propre Père? Pourquoi? Parce que les pensées charnelles et diabolico-théologiques sont entrées dedans. En croyant que c'est un enfant et son fils. Un père et son fils. Que c'est ça qu'ils comprennent. Les juifs connaissent mieux la Bible. Ils connaissaient mieux ce Dieu-là. Ils connaissaient. Voilà pourquoi quand il dit que, il dit, remarquez bien à ces gens que vous avez lu. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon père. Et personne ne connaît le père ici, c'est le fils. Justement, il dit que les juifs voulaient encore plus le tuer. Non seulement parce qu'ils ne savaient pas ça. Donc, pour ça, c'est encore mieux. Mais le simple fait qu'il dit que Dieu est son père, il veut par là dire qu'il est lui-même Dieu. C'est simple, aussi simple. Donc, les juifs comprenaient que quand il dit Dieu est son père, en tant que juif, ça veut dire que Dieu n'a pas de fils. Donc, il veut dire qu'il est Dieu. Donc, fils de Dieu, c'est tout simplement du fait qu'il est venu s'incarner dans l'homme. Alors maintenant, ça touche donc les blasphèmes. Dans Marc, dans le livre de Marc, au chapitre 3, on va y revenir maintenant. Donc, tout à l'heure, quand il va prendre la Bible, on va lire. Je vais seulement expliquer. Dans Marc, au chapitre 2, sous le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, vous allez remarquer que les foules étaient amassées dans une maison. La Bible déclare que les gens ont découvert un endroit sur le toit. Avec cette paralytique qui était sur là. Il y avait quatre de ses amis. Ils ont découvert un trou. J'espère que je ne vais pas vite, non? Je vais doucement, c'est pas vrai? Voilà. Donc, ils ont découvert un trou sur le toit. Ils ont passé le paralytique là-bas au milieu. La Bible déclare que Jésus-Christ, voyant leur foi, a dit, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est... Si tu es à côté d'un juif, essaie de dire que mon fils, je pardonne ton péché. Si tu entends, tu n'entends pas le caillou sur toi. Quoi? Tu pardonnes le péché? Quelque chose ne va pas chez toi. L'Escrit dit, mais qui est celui-ci? Il blasphème. Sinon, qui est-ce qui pardonne le péché sinon Dieu? Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait tout pour dire dans la Bible qu'il était Dieu. Il dit, tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. De même que le Père ressuscite les morts, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et de qui ressuscite qui je veux. Mais c'est terrible, frère. Ok. Il dit, les scribes disent, il blasphème. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez le langage du Seigneur Jésus-Christ. Lequel est plus aisé de dire que tes péchés sont pardonnés? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, lui dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Vous pensez qu'est-ce qui est plus difficile? Tu parles. Si tu peux prendre ton lit et marche, si le péché n'est pas pardonné, là maintenant il y a un problème. Ça va toujours revenir. Puisque dans Jean chapitre 16, il a dit que va les péchés pour que ça ne soit pas grave. Pas vrai? Donc, mais c'est vrai que dans ce passage, il veut dire que le problème de cet homme-là, c'est le péché. Donc, il a résolu le problème de la racine. Mais il dit, tes péchés sont pardonnés. Et il dit comme ça, il est juste là-bas. Il sait pourquoi il dit cela. Parce qu'il fait tout pour démontrer qui il est. Voilà pourquoi Nicodème est venu de nuit et dit que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Au moins, jusqu'à un niveau d'incompréhension, il est arrivé jusqu'à lui. Donc, quand Jésus a dit, tu pardonnes le péché, je pardonne tes péchés, on a dit que c'était le blasphème. Donc, d'après la définition biblique, le blasphème est un. Prendre la place de Dieu. C'est ce qu'on vient de définir là maintenant. Donc, quand il a dit, tes péchés sont pardonnés, on dit c'est un blasphème parce qu'il est en train de prendre la place de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc, si tu prends la place de Dieu, tu es en train de... Voilà. Nous sommes en train de aller dans la Bible doucement. Parce qu'il a pardonné les péchés. Parce qu'il a dit, mon fils, prends courage. La Bible déclare, voyant sa foi. Je vous ai donné tous les versets où ça se trouve. Je suis en train de rester maintenant seulement. Il dit, voyant leur foi, il leur dit, tes péchés te sont pardonnés. On a dit quoi? À cause de ça, on a dit quoi? J'ai encore venu sur le milieu là. Donc, quand il a dit, tes péchés te sont pardonnés directement. On a dit quoi? Blasphème. Donc, d'après la définition biblique, le blasphème, c'est lorsque quelqu'un prend la gloire qui revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il prend la, il veut prendre la place de Dieu. C'est un blasphème. D'accord? C'est compris, n'est-ce pas? Nous sommes dans Marc, là, maintenant. Maintenant, dans Jean, au chapitre 10, je vous ai donné également cela, de versets 26 à 38, n'est-ce pas? Dans Jean, au chapitre 10, à partir du verset 26, ici encore, il va faire tout et tout pour démontrer sa divinité. Il va faire tout et tout pour démontrer sa divinité. Au verset 30, il dit, moi et mon père, nous sommes... C'est le paroxysme là-bas. Chaque fois qu'il dit ça dans l'écriture, on va seulement le tuer. Moi et mon père, nous sommes un. Et il dit, moi et mon père, nous sommes un. Ce n'est pas possible que moi et mon fils nous sommes un. Il n'y a personne sur la terre qui peut être un avec son père. Ce n'est pas possible. Tu es seul, ton père est seul. Tu as ton empreinte, il a son empreinte. Mais on dit que Jésus est l'empreinte de sa personne. Vous saisissez? Je recommence encore. Que tu sois la photocopie de ton père, que tu sois la photocopie de ta mère, il y a ta mère, il y a toi. Vous saisissez? Mais le Seigneur Jésus-Christ est 100% Dieu. Il n'y a pas une partie de Dieu en lui, une partie de Dieu quelque part. Il est 100%. Il est 100% Dieu. La Bible déclare que dans Hébreux chapitre 1 qu'il est l'empreinte de la personne de Jésus, de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu lui-même, l'image de Dieu. Si Dieu passe quelque part, vous voyez dans le miroir, si vous pouvez voir là le miroir spirituel, vous verrez que c'est Jésus. D'accord? Ok. Donc dans Saint Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Directement, chaque jour, il va prendre le caillou comme ça. Bah! Il a refusé. C'est quoi encore? Il dit donc, dans Saint Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Les gens ont pris le caillou pour le taper. Il dit, ok, je vous ai fait voir beaucoup de miracles, plusieurs miracles venant de mon Père. Pour quel miracle vous le lapider? Pour quelle œuvre voulez-vous me lapider? Ils ont dit que non. Quand tu avais guéri Martha, tu as resté Lazare, c'est très très. Ce n'est pas pour le bon, on est d'accord. Tu es allé plus loin. C'est parce que toi qui es homme, tu t'es fait. Est-ce que jusqu'à prononcer ça parce que je suis Dieu? Donc les Juifs ont compris. Donc les gens veulent comprendre mieux que les Juifs aujourd'hui. Il dit, parce que toi tu, qui es homme, tu t'es fait Dieu. Jusqu'à n'a pas dit que j'ai pas dit je suis Dieu. Est-ce que Jésus a dit yé? Non, il n'a pas dit yé. Il a dit que si l'écriture ne peut être anéantie, et si Dieu a ou un, ce qu'il a appelé Dieu, vous savez, on a parlé, j'étais parlé de ces, les chrétiens sortis de Dieu dans un enseignement là. Il dit, et celui qu'il a, oh mon Dieu, voici les thèmes que j'aimerais développer. Dieu l'a ou un, loin de Dieu. J'aimerais parler de ça et de ces jours, loin de Dieu. Pourquoi on l'appelle loin de Dieu? Et celui que Dieu a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. C'est encore écrit là-bas dans votre Jean 10. Il dit, vous lui dites, tu blasphèmes. Donc, chaque fois, quand il va faire les références à quelque chose concernant la divinité, on va dire blasphème. Vous voyez encore ça, n'est-ce pas? Donc, il dit, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Bon, peut-être il a dit tout à l'heure en haut là que moi et le Père, nous sommes un. Il dit, vous lui dites qu'il blasphème parce qu'il a dit que je suis le fils de Dieu. Donc, dire que tu es fils de Dieu veut dire que tu es Dieu. Et si tu dis cela, tu ferais mieux d'être Dieu. Parce que si tu n'es pas vraiment Dieu, tu es en train de blasphémer. Donc blasphémer, d'après la terminologie biblique, c'est un. Blasphémer, d'après la terminologie biblique, c'est un. Prendre la place de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 17, lorsqu'on parle de mystère Babylone, on dit qu'elle avait un nom écrit, n'est-ce pas, sur son front. Babylone, la grande des impudiques. Elle était pleine de noms, de blasphèmes. C'est pas ça. Normalement, c'est pas ça. C'est le nom blasphématoire. Les noms blasphèmes. Il dit dans Apocalypse 17, lorsqu'on parle de l'église catholique, il est à Babylone la Grande, là. On dit qu'elle avait des noms pleins de blasphèmes, dont le nom blasphématoire, Vicarophilis de, le remplaçant du Fils de Dieu. Mais c'est terrible, c'est un blasphème terrible. Il ne s'agit pas de dire à Dieu que Dieu, tu n'existes pas pour être blasphème. Non, c'est pas ça. Si tu dis à Dieu que Dieu, tu n'existes pas, il te pardonne facilement parce qu'il sait que tu ne connais pas seulement, il dit que tu es un insensé, comme Psaume 14 le dit. Mais que quelqu'un dit que Vicarophilis de, c'est terrible. Nous avons le pouvoir de prier que les morts sortent du purgatoire pour aller au paradis. C'est terrible, comme blasphème. Nous avons le pouvoir de pardonner. On fait un oratoire. Vous appelez quoi? Comment vous êtes là où les gens entrent, là, quelqu'un de l'autre côté, là, dit, oh, j'ai péché mon père, dit, tu as péché vraiment mon fils. Confessoir, voilà. Vous voyez, il y avait un prêtre là qui était caché quelque part. Enfin, on avait donné les... Vous savez, quand les prêtres viennent quelque part, on les accueille. On les accueille, n'est-ce pas? On, les femmes, comme les femmes savent donner, chaque association donne plus, pour, plus que les autres associations. On a donné les chèvres, un garçon de la paroisse a allé voler une chèvre. Mais on a, le prêtre l'a prêché fatigué. Le garçon, il est venu, il est allé se confesser au prêtre. Il dit que, mon père, je ne sais pas si tu peux me pardonner. Même si tu as fait n'importe quoi, mon fils, il va te pardonner. Il dit que, mon père, je ne sais pas que toi-même, tu vas me pardonner. Il dit, mais mon père, mon fils, je te pardonne toujours. Tu sais, quand il fait toujours les mains comme ça. Il dit que ta chèvre, c'est moi qui ai dit que tu as fait ça, mon fils. Mon ma chèvre, tu as pris ça, mon fils. Il dit qu'attends là-bas, il allait appeler la police, qu'on vient d'arrêter. De pardonner, de dire à un être humain que je te pardonne ton péché, c'est un blasphème terrible de prendre la place de Dieu. Donc la Bible déclare dans Apocalypse là-bas qu'il avait pris des titres de Dieu. Le très saint Père, le saint Père, le Père. Non seulement ça, le saint, saint Père. Donc c'est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous savez que la définition de Saint-Père veut dire Dieu Tout-Puissant? Mais vous lisez la prière de Jésus-Christ. Quand, Père, toi qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Toi seul, tu es saint. Quand vous entendez Jésus-Christ dire ça, c'est le Père Céleste. Il est saint, le Saint-Père. Donc, il est Dieu Tout-Puissant. Et le pape Léon a vraiment dit que nous tenons sur la terre la place de Dieu. Il ne blague pas. Donc, blasphémer d'après la Bible a une connotation de prendre la place de Dieu. D'après ce que nous avons lu dans Jean chapitre 5. Donc, blasphémer d'après la Bible. Souvenez-vous, je suis en train de parler d'attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'il commence par le blasphème. La Bible donne le Nouveau Testament précisément, donne deux styles de blasphème. Ce blasphème-ci, dont nous venons de voir, le blasphème dans Jean chapitre 5 et dans Jean chapitre 10, c'est prendre la place de Dieu. D'accord. Le prochain blasphème qu'on va voir maintenant, c'est le blasphème que si tu as commis ça ou si tu commets ça, c'est terminé pour toi. Donc même si on prie, on fait n'importe comment, c'est terminé. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est important que nous voyons ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit afin que quelqu'un le fasse. Et si quelqu'un l'a fait, on ne peut plus rien faire pour lui. De toute façon, il faut seulement annoncer la parole du Seigneur. Je vous donne aujourd'hui Marc chapitre 3. Luc chapitre 11, Matthieu chapitre 22. Donc allons-y dans le livre de Marc au chapitre 3. On va lire à partir du verset. Attention, je dis ici parce que les gens sont dans le monde entier. Chacun croit peut-être qu'il a reçu un ministère de Dieu. Il bavarde n'importe quoi, il dit n'importe quoi de Dieu. Vous entendez les gens qui disent sur internet que Jésus est le premier né, il est le deuxième né. D'autres se mettent dans le monde entier, on dit n'importe quoi de serviteur du Seigneur. On chante n'importe quoi si les miracles qui ont laissé passer parce qu'on a le zèle. Amen. Et j'ai dit quel livre déjà? Marc chapitre 3, c'est ça? Marc chapitre 3. Marc le chapitre 3. Maintenant, allons au Marc chapitre 3, lisons à partir du verset 20. Regardez. Suivez attentivement dans votre Bible. Maintenant, je vais parler de attention contre le blasphème du Saint-Esprit. D'accord? Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Vous êtes avec moi? Les parents de Jésus, écoutez bien, les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui car ils disaient, il est hors de sens. Donc le ministère du Seigneur Jésus-Christ est arrivé à un niveau de nous que même ses propres parents ne parviennent pas à croire que qu'est-ce qui ne va pas. Pourtant, la Bible dit dans Luc chapitre 1, chapitre 2, que Marie passait toutes ces choses dans son cœur. L'ange a parlé à Joseph. Il connaissait. Il connaissait comment Marie devait enceinte. C'est pour vous dire que quand l'être humain veut changer, quand l'être humain veut changer, même si tu as pris son pied guéri, dit que tu es sûr que c'était mon pied, était même malade, il oublie même ça. Avançons ici. On dit les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Écoutez maintenant, verset 22. Et les scribes qui étaient descendu de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébuth. Soulignez ça. Il est possédé de Belzébuth. Écoutez très attentivement. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Ça, c'est l'une des choses que... Vous y êtes dedans? Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Jésus leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'est en effet de lui. Verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Depuis qu'on est là, vous comprenez? Frère, vous comprenez ce qu'il a dit? Ok, verset 28. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Vous avez vu ça? Les péchés seront pardonnés. Les blasphèmes seront pardonnés. Donc, si quelqu'un a forniqué n'importe comment, si vous savez, quand vous prêchez à quelqu'un, il dit que non, la qualité que je suis dans le péché, ça, Dieu ne peut pas même pardonner. Il n'y a pas de péché qui ne pardonne. Mais il a indiqué littéralement dans la Bible, c'est que si quelqu'un fait, c'est terminé pour lui. Il faut qu'on voit cela. Verset 28 encore. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes. Vous avez vu ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il dit tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Maintenant, suivez. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché. Donc il est important que nous ayons le blasphème du Saint-Esprit. Jésus parla ainsi. Écoutez bien, regardez, verset 30 nous dit clairement. Normalement, en lisant verset 30, je dois m'arrêter parce que ça explique. Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Écoutez très attentivement. Le contexte de cette lecture, il nous montre que Jésus-Christ a dit que sort, le démon est sorti. Deux groupes étaient, l'autre groupe louait. Si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 11 et Matthieu chapitre 12, de ces mêmes explications, on dit que la foule le louait hautement. Alors quelques scribes ont dit, donc il y avait deux groupes, ceux qui ont cru, quand ils voyaient ça, ils se réjouissaient de ce que Jésus-Christ faisait. Alors il y a un groupe qui s'était là-bas et dit que non, c'est pas Belzébuth. Or, remarquez très bien, quand une personne se réjouit de l'œuvre de Dieu, l'autre personne donne que c'est Satan qui en effet, ça crée, le but de ça, c'est créer la confusion dans la tête des gens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a dit cela dans son écriture, mais il sait très bien, il est Dieu, il sait pourquoi il a dit cela. Il a dit que tous les péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, et tous les blasphèmes qu'ils auront proférés. Il a dit mais. Mais c'est lui qui a déclaré, ce n'est pas quelqu'un qui est venu prêcher, c'est lui-même qui a sorti de sa propre bouche. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne peut jamais être pardonné. Il est coupable d'un péché éternel. Après, on dit au verset 30 qu'il dit cela parce qu'on disait qu'il avait été possédé d'un esprit impur. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer au démon l'œuvre du Saint-Esprit. Suivez attentivement cela. Le blasphème contre le Saint-Esprit. On prie pour quelqu'un, la personne guérit. Tu dis, non. Celui-là, c'est un satan, il travaille avec Satan. Vous êtes fini. Écoutez bien, c'est dur, mais c'est l'écriture. Donc, si vous voyez quelqu'un dans le monde, à la télévision, n'importe où, il a fait un miracle, faites attention. Vous avez deux possibilités d'après la Bible. La Bible vous offre deux possibilités. La Bible, votre Bible, vous offre deux possibilités quand vous êtes en face de cette situation. D'accord? Je recommence encore ce que la Bible a dit. Il a dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Et Dieu, merci, le Saint-Esprit a dit, s'il laissait là-bas, c'est que ça va être des tiraillements pour nous. Il dit cela. Il a dit le blasphème du Saint-Esprit parce qu'on l'appelait démon. Parce qu'il a guéri quelqu'un, il a dépossédé quelqu'un, on a dit que c'est le démon qui en a dû faire. Dans Matthieu chapitre 12, il va dire que si je chasse, c'est par le démon que je chasse dans le démon, le prince du démon qui chasse le démon, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc le Seigneur dit, tout péché sera pardonné, mais le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit revient à attribuer une manifestation du Saint-Esprit à Satan. Je crois que la définition est simple pour que personne ne rate cela. Donc, si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit le jour du jugement, cette voix-ci lui sera mise là-bas. Il va savoir qu'il savait cela. C'est pour cela qu'au-delà de cela, il faut que je vous donne les deux solutions telles au début, à la fin. D'accord? Donc, maintenant, vous dites, et si maintenant j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, vous êtes fichu. Aussi simple que possible, parce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il y a des recours. Il n'y a pas de recours en cassation. Non. n'y a pas de tribunal de grande instance. Non, n'essayez pas de poser des questions, laissez-moi prêcher. Il n'y a pas de tribunal de grande instance ou bien de cour suprême qu'on va blasphémer, qu'on va aller couper. Vous êtes fichus. Il a dit, quiconque péchera contre le Saint-Esprit, blasphémera contre le Saint-Esprit, est coupable d'un péché éternel. Donc, vous voyez quelqu'un de prier pour quelqu'un, on dit non. Et c'est ce que Satan fait dans le monde maintenant. Les gens qui ont la puissance du Saint-Esprit sont taxés de démoniaques. Mais vous ne voyez pas les démons travailler. Les démons sont à l'œuvre. Et c'est leur rôle là-bas maintenant de créer la confusion dans la tête des gens. Pourquoi vous appelez les gens satanistes? Faites attention, d'accord? Donc maintenant, si vous voyez quelqu'un de vrai, avec le nom du Seigneur, comme Jésus a dit dans ses livres des gens, vous savez, les disciples sont allés pour évangéliser, ils sont rentrés, ils ont dit, ils ont vu Jean et le fils de Zébédée et Jacques, ont vu un homme qui tente de chasser le démon. Donc ils ont vu un homme qui tente de prier, chasser le démon au nom du Seigneur Jésus. Ils sont venus dire à Jésus que Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse le démon en ton nom. Alors on peut l'arrêter. Il a dit, laissez-le tranquille. Il dit qu'il n'y a personne qui, après avoir fait une œuvre en mon nom, ne commence à parler contre moi. Qui n'est pas avec nous, hein? Qui n'est pas contre nous, hein? Waouh! Donc, écoutez très bien. Je vais répéter si c'est même 3 ou 4 fois pour que vous saisissez. Vous êtes en face de quelqu'un qui fait une œuvre. Si vous ne connaissez pas, vous avez deux options d'après la Bible. La dernière fois, nous avons vu un enseignement, la nécessité du discernement, n'est-ce pas? Discernement des esprits à notre époque. Dans 1 Jean chapitre 4, là. Quoi, c'est le frère Achille qui va poser la question? On est en train de voir que on est dans une époque où on a besoin de discernement parce que les faux prophètes sont venus dans le monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas avoir le discernement pour savoir que ça, ici c'est vrai, ici ce n'est pas vrai, vous fermez vos tuyaux d'échappement. Vous restez tranquille. C'est-à-dire que vous n'avez que deux options. Ou bien vous discernez et vous dites avec certitude que ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Ou bien vous fermez votre soupape. Si quelqu'un parle n'importe quoi à côté de vous, restez tranquille parce que chacun va porter son propre péché devant Dieu. Alors là, dans ce cas, si vous restez dans ce cas-là, tranquille, vous écoutez comme ça le conseil de Gamaliel. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Si cette œuvre vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. D'accord? Voilà les deux options que vous avez dans la Bible. Les deux options, c'est soit vous discernez et que vous dites que ça, c'est le démon, ça, c'est pas le démon. Et ça, la Bible nous donne le droit de le faire. Mais il faut que vous soyez sûr que vous êtes là dans cette ligne. Si ce n'est pas comme ça, restez, fermez votre soupape, vous restez tranquille. D'accord? Vous avez suivi, frère? Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit est commis par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Les fils de Dieu ne peuvent pas commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Aucun fils de Dieu ne peut commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que les fils de Dieu le connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous comprenez ce que c'est, pas? C'est merveilleux, tout simplement, l'Écriture. Les fils de Dieu ne peuvent point commettre le blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'ils connaissent la voix de leur maître. D'accord? Ah, vous comprenez ça? Maintenant, Hébreux chapitre 6, comme tu as cité tout à l'heure, remarquez très bien que quand tu as fini de lire, j'ai dit, tu es arrivé à un niveau où on commence à parler de... Lorsqu'une terre qui a de... La pluie tombe souvent sur une terre. Et maintenant, en train de parler de la parole, souvenez-vous de ceci. Regardez-moi attentivement là maintenant. Je peux dire quelque chose ici sans que vous... Mais me rendez nerveux. Est-ce que vous savez que vous pouvez être sataniste? Le Saint-Esprit vous utilise. Pasteur, est-ce que tu sais que quelqu'un peut être sataniste? Le Saint-Esprit l'utilise vraiment bien. Vraiment? Tu peux me donner une preuve dans l'écriture, frère? Ne dites pas seulement oui pour dire mais. Dites oui en vous appuyant sur l'écriture. Vous savez que vous pouvez rêver. Ça vient de Dieu, le Saint-Esprit. Le Dieu, Saint-Esprit. Il vous donne le son. Vous êtes sataniste. Et un autre sataniste interprète et ça vient toujours de Dieu. Vous savez ça, frère? Bon, vous pouvez montrer les écritures. Hein? Souvenez-vous de ceci. Ne courez pas derrière Pharaon, derrière Nebuchadnezzar. J'ai dit bien ceci. Le Saint-Esprit te donne le songe à toi, un païen. Un autre païen interprète. Et celui qui est de Dieu entend seulement. Vous savez ça dans les écritures? Comment? Gédéon. C'est ça, mon frère. Donc, lisez la Bible. Vous vous souvenez quand Gédéon devait aller au combat, Dieu lui a dit que je te livre le camp des Madian. Il dit que si tu n'es pas sûr, descends le matin. Il allait le grand matin, quoi, avec un de ses serviteurs. Ils sont allés là-bas autour. Ils sont approchés au camp. L'autre gars, et souvenez-vous, ils étaient en Madian, comme ça, ils étaient à réunion pour aller combattre Israël. Ici, nous avons deux camps clairs. Madian ne sait pas Dieu, Israël sait Dieu. Celui qui sait Dieu en est de douter. Dieu n'est pas venu lui donner le songe. Il est allé à Madian donner le songe à un ennemi. Il a donné le gars, il dit que merde, cette nuit, si j'ai eu un son, il dit c'est quoi mon gars? Il a dit qu'il y a quelque chose qui est sorti là-bas comme le tonneau. Ça a raclé tout le camp, c'était fort. L'autre a dit, son ami à côté a dit que ton songe là, c'est que Dieu a livré. Et que ton songe là, si tu as vu ton songe comme ça, c'est que Dieu a livré le camp de Madian à Israël. Quand Gédéon, qui est du côté de Dieu, a suivi le songe comme ça et son interprétation, il est venu au camp et il a dit que sur la trompette, préparez-vous, Dieu a livré le camp là-bas. Vous entendez? C'est Dieu qui a donné le songe. Et Dieu lui a dit que si tu ne sais pas qui a été donné, va le matin là-bas écouter. Pourquoi tu ne lui dis pas que j'étais vraiment livré? Il dit que va écouter le songe et l'interprétation. Dieu lui a donné et le songe et l'interprétation. Je recommence donc ici parce que je s'en allais quelque part. Le Saint-Esprit peut utiliser véritablement un sataniste. Vous comprenez ça? C'est exactement ce qui est en train de ressortir dans Hébreux chapitre 6. Ce n'est pas pour dire que les chrétiens, parce que quand tu as à l'aube de tes propos, quand tu as posé tes questions, c'est comme si jusqu'à quel niveau les chrétiens peuvent commettre le baptême du Saint-Esprit. Ils ne s'adressent pas aux chrétiens. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Regardez bien. Regardez bien. Vous avez moi. Ouvrez Hébreux chapitre 6. Ouvrez. Oh, merci, merveilleux Seigneur. Merci, merveilleux Seigneur. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Ça va? Vous êtes avec moi? Hein? Maintenant, lisons encore ces versets. Jusqu'à ce qu'il y ait 10 stops. Quand il y ait 10 stops, tu stops, d'accord? On y va. Verset 4, allons-y. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, oui, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Stop. Vous entendez ce qu'ils sont de faire? On dit que ceux-ci crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et les fils, eux, ils ont été crucifiés avec Christ. Et s'ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent. C'est Christ qui est censé vivre en eux, les fils, eux. Pas vrai? Maintenant, avançons maintenant par la parabole. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Stoppons d'abord là-bas. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Vous entendez le langage de Dieu? Savez-vous dire que vous pouvez vous asseoir comme ça en assemblée? Il y a les satanistes, le Saint-Esprit descend, boum, ça descend sur les satanistes, sur les sorciers, sur tout le monde. En fait, allons-y là-bas, avançons. Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée? Oui. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous entendez ça? Allons-y, continuons. Mais si elle produit des épines et des chardons, mais c'est terrible. Elle est réprouvée et près d'être maudite. Arrêtons-nous ici. Dans Marc chapitre 4, vous avez prêché sur les quatre styles de terre. N'est-ce pas? Après, le Seigneur a interprété que les quatre styles de terre sont quoi? Les cœurs. La dernière, le dernier style de cœur, on dit que c'est celui qui entend, qui reçoit la parole, n'est-ce pas? Et un grain produit 100, 60. Pas vrai? Attends maintenant. Les autres cœurs reçoivent quoi? Qui plante à l'intérieur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, dans ce même marque-là, vous regardez le verset en bas, il dit à quoi comparer encore le royaume de la terre est semblable à un grain. Quand tu sors, tu sèmes. Que tu veilles ou que tu ne veilles pas, tu ne sais pas comment ça pousse. Qui le fait pousser? Voilà, n'est-ce pas? Donc maintenant, ici, écoutez très attentivement. Nous sommes dans Hébreux là. Nous sommes dans Hébreux. Je vous ai donné aujourd'hui Jean chapitre, Marc chapitre, quoi? Comment ça s'appelle? Luc chapitre 10. Verset 1 à 17, n'est-ce pas? Je vous ai donné Jean chapitre 6. Maintenant, allons dans Hébreux chapitre 10. Si vous avez ouvert Hébreux chapitre 10, vous mettez le doigt, vous allez dans Jean chapitre 6. Vous y êtes? Donc, j'ai dit ouvrez en parallèle Hébreux chapitre 10 et Jean chapitre 6. Je vais vous faire lire d'abord Jean chapitre 6 et puis il va aller quelque part. Que Dieu vous bénisse vraiment. Souvenez-vous, nous sommes en train de voir attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Et la solution, c'est que si vous ne connaissez pas ce qui a laissé passer, vous fermez votre tuyau d'échappement. Mais ce n'est pas. Donc Jean chapitre 6, lisons à partir du verset 60. Chapitre 6, verset 60. Allons-y. Plusieurs de ses disciples. Soulignez ses disciples. Vous avez vu ses disciples, n'est-ce pas? Ce verset-là révèle que Jésus-Christ a dit quelque chose. À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples ont commencé à le quitter. Pas vrai? Et ne le suivaient plus. C'est là où je voulais vous arriver. On dit plusieurs des séducteurs, après avoir entendu ces paroles aussi, chacun a pris son sac de que si vous voulez rester encore avec le gars là, c'est que vous, c'est votre problème. Plusieurs de ses disciples. Maintenant, continuons, frère. Ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous avez entendu ça? Ce sont ces disciples qui ont dit comme ça. Le niveau de prédication, si encore, c'est grave, c'est à saut d'où encore. Avançons. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Il ajoute encore seulement le clou. Avançons, frère. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Écoutez encore. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Stop. Il a dit, il ne dit pas qu'il y a parmi les gens. Il n'a pas dit qu'il y a parmi les foules. Ici, il s'est adressé à qui? À ses disciples. Oh mon Dieu. Il dit qu'il y a parmi vous. Il dit qu'il n'y a pas parmi vous. Donc c'est au milieu des disciples qu'il est en train de s'adresser. Pourtant, cela s'appelle un disciple de Jésus. Et la Bible l'appelle les disciples du Seigneur Jésus. D'accord? On dit qu'il y a parmi vous ceux qui ne croient pas. Et la Bible ajoute même plus loin que parce que Jésus savait dès le commencement ceux qui croyaient en lui. Ouais. Mais il se dit ses disciples. Je pose la question. Ses disciples, quand ils partaient donc pour prêcher, guérissaient-ils les malades? Oui. Chassaient-ils les démons? Oui. Ne sont-ils pas rentrés dans, Luc chapitre 10 là? Pour dire que même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors, je recommence encore ce qu'il dit dès le départ. Vous avez ouvert Hébreux chapitre 10. Lisez le verset 38. Allons-y. Le verset 38 a deux volets. Le premier volet cite Habacuc 2. Le deuxième volet ajoute quelque chose du Nouveau Testament. Allons-y. 1, 2, 3. Et mon juste vivra par la foi. Ça, c'est Habacuc chapitre 2. N'est-ce pas? Mm-hmm. Le deuxième volet dit quoi? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous avez vu exactement de qui il est question, n'est-ce pas? Les justes, ils vivent par la foi, ils restent là-dedans. Jésus dit que c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir. Dans ce Jean chapitre 6, que nous sommes en train de lire là. Il dit c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si celui-là ne lui a été donné. Mais pourtant, tout c'était ses disciples. Rentrons dans ce Jean chapitre 6, là, tu dis continue là où tu avais laissé. C'est l'esprit qui vivifie. Tu avais lu ça, frère. Verset 66. Mais il en est parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. C'est qui en a de parler? Il s'adresse à qui? Ses disciples. Voilà. Mais on a dit ses disciples, n'est-ce pas? Avançons. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le délivrerait. Alors maintenant, dites-moi comment un homme de cette stature, vous regardant comme ça, il sait que celui-ci va me trahir. Celui-ci, c'est comme ça. Celui-ci, c'est comme ça. Il marche avec vous chaque jour. Comment va frayer, frayer? Nous sommes disciples de Jésus. Il dit, vous avez même dit, si vous demeurez dans ma parole. Et justement, c'est la parole qui va les chasser. Cette parole est dure. Est-ce que c'est deux choses qui les ont chassés? Quand ils faisaient le miracle, ils étaient d'accord. Ils se réjouissaient de ce fait qu'ils participaient à la puissance. Mais ils sont retirés. Et il dit là-bas que mon juste ne vivra pas la foi. Mon juste ne vivra pas la foi. Dans ce, Actes chapitre 26, là, verset 16, il dit que pour qu'ils aient avec par la foi en moi, le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La foi en moi. Mon juste ne vivra pas la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Vous y êtes? Maintenant, rentrons dans Hébreux chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien attentivement. Je vous avais expliqué, lorsque nous voyons la grande tribulation, enfin, l'enlèvement de la grande tribulation, souvenez-vous de ceci. Lorsqu'il y avait pris Matthieu chapitre 25, et j'ai dit que ceux-ci sont, ils sont entrés dans la noce. Et j'ai pris Luc chapitre 12, j'ai dit que ceux-ci sont entrés dans la noce. Le maître revient de la noce. Vous avez remarqué, il a dit, et vous. Faites attention maintenant. Dans ce Hébreu que nous avons lu au chapitre 10, il y a deux volets. Et mon juste vivra par la foi. Vous avez vu cela? S'il se retire, ce n'est plus de la même personne qu'on a entendu parler, parce que le juste qui vit par la foi ne peut pas se retirer. Je veux que vous compreniez encore ceci. Il y a deux volets. Si mon juste, le juste ne peut pas se retirer. Parce qu'il a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, regardons ici. Et s'il se retire, écoutez très bien, regardez-moi, sinon vous allez rater. Deux volets. Premier volet, un groupe. Deuxième volet, un autre groupe. On va rentrer dans Hébreux chapitre 6, on va les voir encore les deux. Il a commencé à dire qu'il est impossible que ceux qui ont écouté ceci, c'est un autre groupe qui est en train de parler. Maintenant, écoutez très bien. Lorsque la parabole est finie, c'est Hébreux chapitre 2, là, nous tombons au verset 9. Lisons savoir. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés. Écoutez. Nous attendons pour ce qui vous concerne. Stop. Vous avez vu ça? Nous parlons comme ça là. Arrêtez, ça ne concerne pas vous tous. Pour vous, nous entendons les choses des meilleures. Regardez, souligner. verset 9. Quoi que nous parlions ainsi, donc on ne parle pas, c'est, en réalité, l'apôtre Paul veut dire qu'on ne parle pas comme ça pour tout le monde, nous savons de quoi nous en allons parler, mais pour vous, nous attendons les choses de meilleures de vous, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites et conduire à faire pour le Saint, n'est-ce pas? Voilà. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans la fornication, à tout moment peut arrêter. Voici là où c'est dangereux. Écoutez très bien, voici là où c'est dangereux. Quelqu'un vit dans la fornication, n'importe quel style de dérèglement que vous avez, à un moment donné, il l'arrête parce que le Saint-Esprit lui a accordé la grâce. Quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit peut dire, Seigneur, pardonne-moi, il pleure. Souvenez-vous, obtient des bénédictions sur le plan matériel. Prie, ses prières sont exaucées, mais à la fin, c'est l'enfer. Il n'y a pas de justification pour lui. Parce qu'il a dit qu'il est coupable d'un péché éternel. Donc, tout ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas seulement jouir des choses du monde et aller en enfer. Blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer une œuvre effectuée par le Saint-Esprit au démon. C'est Jésus qui a défini cela dans la Bible ainsi. Donc, quelqu'un a dit prier, sort, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pas le démon qui le fait. Si tu dis ça et que c'est pas le démon, tu es gardé. Si tu dis et que c'est le Saint-Esprit qui est en danger, tu es fini. C'est la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans ses Marc chapitre 3, il a dit quiconque. Quiconque. Je vous ai parlé souvent. Viens, mon frère, viens. Ferme ta Bible, tu viens. Je vous ai parlé souvent des garçons qui étaient aveugles et que Dieu a guéri quand on était en Jaffa. Le voici. Le voici au milieu de vous, en chair et en os. C'est Junior Gonga. Junior, le voici au milieu. Reste d'abord tranquille, tant que tu prends la température. Parce que c'est le diminuant, vous allez respirer. Je ne sais pas si c'était en quelle année déjà. 2011. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui, j'ai même causé avec lui. Donc depuis le jour où il a été guéri, au milieu de l'assemblée, j'ai même causé avec lui comme ça, face à face. Le voilà au milieu de vous aujourd'hui, là. Et il est en train de voir. La main a enlevé ce spectacle. Spectacle. Comment on appelle ça en français? Les lunettes. Que. Et voilà. Donc, le voici. Donc, chaque fois, il vous a dit ici au milieu qu'il y avait un garçon qui ne voyait pas. Il est venu le premier jour. Je n'ai pas pris pour le deuxième jour. Le voici. Il était en troisième, c'est ça? Tu faisais le BPC. Maintenant, tu es en quelle classe? Première année à l'université. Et Satan voulait le détruire. Le voilà devant vous. Qui peut ouvrir les yeux des aveugles? Qui peut ouvrir les yeux des aveugles? Donc voilà, c'est devant vous. Donc, par exemple, peut-être, il y a un autre qui avait dit qu'il fonçait devant moi comme le taureau. Il dit que au sol. L'autre, je l'ai rencontré là-bas. Je crois qu'on était ensemble avec le frère Hervé. C'est la première fois que je causais avec lui-même. Il racontait encore. J'étais aussi étonné. Il dit que mais c'était la première fois que quelqu'un commande. Il dit qu'il se bave la chaîne. Il croit qu'il va venir ici au milieu de vous parler. D'accord? Donc voilà le frère Junior Gonga. Tu voulais dire quelque chose? Quelqu'un veut lui poser une question? Donc, je raconte une histoire par rapport à lui. Je ne sais pas comment ça va aller. Lorsqu'il était venu, on n'a pas prié une fois, deux fois, et puis la troisième fois, sa maman était là. Après, quand elle a été guérie, sa grand-mère a envoyé la nouvelle. C'est quoi? Elle avait un problème d'oreille. Qu'elle va aussi venir dans notre église. On va prier pour son oreille, mais elle n'aime pas notre église parce que notre église est réveillée. Elle aime l'église où on dort là-bas chez les catholiques. Mais comment Dieu fait ces choses? Je ne comprends pas comment Dieu fait. Vous savez, mon rôle en tant que prédicateur, ce n'est pas de chercher à savoir comment Dieu peut vous guérir les gens. Souvenez-vous, je crois, les gens ici m'ont demandé que comment tu fais pour savoir ces choses. Je ne sais pas, cherche pas à savoir. J'abandonne tout simplement ma faculté entre les mains du Saint-Esprit. Ma faculté entre les mains du Saint-Esprit. Il faut que ce soit lui qui soit à l'œuvre. D'accord? Alors il s'est tenu là comme ça. Il dit, on va prier pour lui. On a tendu la main. Il était aveugle. On l'a arrêté pour venir. Et je crois que ça a été prononcé que non seulement tu vas voir, mais tu vas composer ton examen et tu vas passer, n'est-ce pas? Tu vas passer. Qu'est-ce que ta mère a dit? Où est-ce que ta mère? Je crois que si ma mère, je suis en train de parler, j'ai 4 ans, donc les seules choses, je les dis parce qu'elle est au milieu de vous. À partir de ce niveau-là, maintenant, je crois que ce sont ces ongles qui ont commencé à interdire que tu ne viennes plus au milieu de nous. Donc, ses propres ongles, tu pars encore là-bas, on va te taper. Tu es allé là-bas, tu as été guéri, c'est bon. Ne mets plus les pieds. C'est pas normal qu'on prie que les gens guérissent. Donc voici. Donc, et comment vont tes oncles là aujourd'hui? Ils vont très bien. Chacun ne se porte bien, mais jusqu'à présent, ils ont besoin d'entêter. Je crois que par la grâce de Dieu, bon, ça va aller. Dis-nous, comment depuis là, ils te voient? Qu'est-ce qu'ils ont dit depuis le jour où tu étais guéri là? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, quand ils me voient, ils sont juste dépassés. Bon, pour eux, ils ne croient pas. Ils sont tous entrés. Bon, je me dis comment. À l'école, dis-moi à l'école, parce que depuis. On n'a jamais causé, non? À l'école. chez ta mère, tes amis, que, les hôpitaux. Ma maman, quand même, elle sait quand même que c'est Dieu qui m'a guéri. Mm-hmm. Mais est-ce que là, elle est au fils de. Par rapport à l'assemblée, elle ne veut pas. Elle dit que déjà l'assemblée, là, elle n'est pas sur ça, elle est catholique protestante. Mais pour sa part, quand même, elle croit que ça est l'œuvre du Seigneur. Mm-hmm. Elle croit ça. Bon, pour mes oncles, ils disent que ça, c'est l'affaire de l'hôpital, l'affaire de sorcellerie. Bon, pour eux, ils savent quand même qu'ils disent ça parce qu'ils sont ignorants. Mm-hmm. Et maintenant, depuis là, tu te sens bien, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Par la grâce de Dieu, très bien. Donc, j'ai pas de questions à poser parce que je veux pas creuser. Si vous avez des questions à lui poser, nous voici en chair à notre devant vous. Il était venu là au milieu de l'assemblée. Comme ça. Il ne m'a pas venu encore aujourd'hui. Écoutez très bien, je vais vous raconter une histoire par rapport à son expérience. Que vous vouliez, c'est pour ça que vous entendez, on dit, quand campagne va venir avec tous les malades et autres, ces choses, ce sont des pieds d'achoppement pour la foi de certains. Si vous annoncez que venez avec les malades et que les malades ne guérissent pas, c'est des pieds d'achoppement même pour les gens qui sont malades. Il faut qu'on laisse Dieu faire son œuvre tout simplement. C'est-à-dire que quand Dieu veut entrer pour guérir, qu'il guérisse. Supposons qu'il vient là-bas et dit qu'on prie, on prie. Vous allez prier, lui donner les yeux. Vous allez crier, crier, crier. La soeur va couler. On peut vous dire que c'est parce que toi, tu ne crois pas. Quand vous allez prier, prier, prier, quand ça ne doit pas marcher, vous allez dire que c'est parce que lui, il ne croit pas que ce n'est pas. Ici, il ne fallait pas sa foi. Dieu fait des choses inouïes pour que son nom soit glorifié. Il est entré une fois, première fois. J'ai dit, j'ai touché tout le monde dans la salle sans le toucher. C'est quand je rentre à la maison, il me couche en lui. Il dit, je suis en train de regarder encore la salle devant moi. Il voit comment. Je me promène comme si c'était une caméra, comme ça dans la salle. Il dit, ah, voici quelqu'un. Je le vois vraiment comme ça. Il peut toucher sa tête. Il dit, mais celui-ci, c'est quelqu'un qui est malade. Comment ça veut dire que c'est lui que je ne prie pas pour lui? Il dit, prochainement, je vais prier pour lui. Prochainement, il vient. Je fais encore la même chose. Je rentre encore à la maison. Je me rends compte que je suis allé vers lui. Je me suis éloigné. Qu'est-ce qui se passe? Troisième fois, il s'assoit là comme ça, boum. Alors maintenant, c'était son jour. Après, croyez-vous, il est venu, après il a mis le mouchoir comme ça là. Il était assis là, les gens ne savaient pas. Il dit, viens prendre le mouchoir, c'est bien. Il était toujours en bleu, il ne sait pas si c'est la même tenue qu'il porte. C'était toujours en bleu. C'était toujours en bleu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ah, voici le mouchoir, touche le mouchoir. Il allait toucher, les gens commençaient à crier. Que, oh, l'œil. À quel moment l'œil, ça s'est ouvert? Comment ça s'est ouvert? Explique-nous. Ça commençait à s'ouvrir de la même manière que la maladie était arrivée. Bon, oui. Au fur et à mesure que mes yeux s'assombrissaient, c'est aussi comme ça, au fur et à mesure que ça s'éclaircissait. Oh, quand on a prié là, c'est maintenant. Ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Mm-hmm. Quand tu es pas sorti, le processus a commencé. Va t'asseoir, frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste a envoyé les gens, il a dit à Jésus que tu es même celui qui devait venir. Il a dit qu'il est des aveugles voient. Va seulement lui dire que les aveugles voient. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire. Je vous le dis. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire. Des choses que je ne peux pas encore vous dire. Parce que si je vous dis, restons tout simplement frères. Des choses sont en train d'arriver. Des choses sont en train d'arriver. De quelqu'un de se tenir là-bas. Et lui, ce jour-là, il n'est même pas touché. On dit qu'on étendant la main. Quand on finit de prier, il voit. Ouais, quelqu'un regarde comme ça. Il dit, frère Junior, il voit. Tu parles, frère Junior, tu es sûr qu'il voit. C'est les pensées du cœur. Il voit. Il voit arrêter. Amen. Quelqu'un dit amen. Quand il dit Amen, il guette comme ça pour voir s'il voit. Quand le Saint-Esprit dit il voit, tu prononces seulement il. Le reste, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui aveugle les gens. C'est moi qui ouvre. Quand il dit prononce, je prononce tout simplement. Il voit. La prochaine fois, il est venu à l'assemblée. Les gens étaient comme ça, la personne guette comme ça. Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit pas? Il dit, man dit, quand je suis en train de le Saint-Esprit, lui, voilà, il voit déjà. Il a pris la mouchoir, il m'a dit que toi viens. Il est venu. Il prend comme ça. Les soeurs ont commencé, vous savez comment les soeurs crient. Oh, oh, oh. Alors le même Dieu se tient au milieu de nous maintenant. Le même Dieu se tient au milieu de nous. Et c'est ce Dieu-là qui est en train de faire le miracle dans la Bible. C'est le même Dieu qui a étendu son doigt, dit sort. Il est sorti. Ce même Dieu a fait comme ça. On a dit que c'était le démon. Et dans la Bible, dans Jean chapitre 9, on voit effectivement qu'il a guéri quelqu'un qui était aveugle né. Cet aveugle-là, on a commencé à venir. Enfin, les pharisiens sont venus demander que. Mais toi-même, là, tu dis que toi qui étais aveugle, là, tu dis que celui qui t'a guéri, c'est qui? Il dit, vous savez quoi? Vous m'avez trop interrogé là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez devenir ses disciples. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Qui soit l'impôt, c'est votre problème avec lui. On dit que tu es tourné tout entièrement dans le péché. Et cet homme-là leur a donné une explication dans ce Jean chapitre 9, le verset 30. Il dit que nous savons que quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un lui agrée et fait sa volonté, et celui-là qui pour lui dire que Jésus-Christ est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a exaucé pour qu'il puisse être guéri. Qui l'a guéri celui-ci? Et non seulement, il dit, vous vous tenez au milieu. Quelqu'un a fait, tu avais fait combien de mois sans fréquenter là? C'était au milieu de la deuxième trimestre. Alors il se tient là-bas, le Saint-Esprit dit, non seulement il voit, il va composer son examen, il va passer parce que Satan, ce que Satan voulait faire, c'est le mensonge. Maintenant, vous devez savoir de quoi vous en allez parler pour vous tenir debout et parler comme ça. Il dit, mais vous devez savoir de quoi il est question. Si vous dites comme ça là, vous dites qu'il voit. Faites l'effort pour aller mettre quelque chose dans tes yeux pour qu'il voit, on voit. Vous savez, est-ce que vous pouvez monter le plan avec quelqu'un pour dire que marche un peu. La personne marche, même si elle lui fait mal, il fait comme s'il marche. Mais pour qu'il voit. Ici, il n'y a pas de combine. Tu dois voir. Et Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire. D'accord? Dieu seul peut le faire. Vous dites, ce garçon-là, le gros là, qui voulait me taper, qui était au sol là. Vous dites, vous le voyez, il est enchaîné au sol. Après, le Saint-Esprit dit, approche-toi, il tape en sol. Lève-toi. Ça va. Le démon sort, il part. Il se lève là comme ça. Il est transformé. Si vous voulez aller amener le n'importe qui, c'est dire qu'il te ressent ma vie, il te donne ma vie comme il te donne ma vie, comme il est délivré et sauvé. Maintenant il est en crise. Depuis, c'est la semaine dernière ou c'est la semaine passée qu'on a causé au Calcon. Tu sais comment il parlait, il riait. Il dit que mince, j'ai tiré ma main comme ça. Il a dit qu'au sol, il t'enchaîne. Ma main ne bougeait pas. Il était étonné. L'autorité, les armes offensives et défensives des prédicateurs. Donc là voilà. Qu'est-ce que les œuvres de Dieu dans sa vie là maintenant? Quand ça va commencer maintenant dans sa vie, dans sa famille, même sa famille va fuir. On va dire qu'il est en train de la sorcellerie maintenant parce que ça va venir sur lui. Vous comprenez ce qu'il s'en est dit là maintenant? Voilà. Donc, il y a des gens que Dieu a préparés. Des choses que Dieu prépare dans des vies des gens. Il permet que les choses arrivent pour qu'on vienne guérir en son nom, pour que son nom soit glorifié. C'est aussi simple que possible. De la même façon, il y a des gens qui vont mourir. Mourir vraiment. En fait, de toutes façons, dans notre pays, si on n'a pas encore entendu des résurrections authentiques, n'est-ce pas? Des résurrections des morts. On a seulement dit que quelqu'un, sa femme est morte, il l'a mis à la maison, ça fait 3 mois, ça sentait. On a montré la télévision, c'est ça qu'on sait faire, que Dieu m'a montré. Écoutez bien, la résurrection des morts authentiques est en train de venir. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire, c'est en train de venir. Il dit la résurrection. Je crois que même l'Assemblée est en train de me regarder, comme celui-là me regardait le jour, là que frère, tu vois, la résurrection des morts. Il y aura des deuils. Non, ne parlons pas ici. Mais souvenez-vous, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dire qu'une œuvre qui est faite par le Saint-Esprit, vous l'attribuez au démon. Vous avez suivi ça? Pour que vous ne tombez pas sur le blasphème contre le Saint-Esprit, vous avez deux opportunités dans la Bible. 1 Jean chapitre 4 dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ceux qui ne confessent pas Jésus qui venaient dans la chair. Reconnaissez à ceci l'Esprit. D'accord? Donc il nous donne des pouvoirs discernés. Et pour que tu puisses discerner ainsi, il faut que tu aies le don de discernement des esprits. On ne discerne pas par les ouïdis. J'ai entendu dire que ce type-là a enterré les femmes enceintes dans son église. J'ai entendu dire qu'il est dans la 500 dimension des démons. J'ai entendu dire, tu dois rencontrer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas mon serviteur. Il doit te dire, s'il ne te le dit pas, n'ouvre pas ta bouche pour dire quelque chose. Vous avez suivi? Alors maintenant, si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire que je suis resté tranquille, Actes des Apôtres chapitre 5 dit, quand Gamaliel a vu les apôtres en train d'exercer, il a vu l'œuvre qu'il faisait, il a dit aux gens que ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. Si cette œuvre, cette entreprise vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. Si ça vient des hommes, ça va s'éteindre. Donc il faut seulement rester tranquille. Parce que les gens restent n'importe où, ils boivent. Que Dieu vous bénisse. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dit que j'ai pris pour toi, tu es guéri. Quelqu'un reste là-bas, il dit que non, non, le gars là, c'est le démon. C'est le démon qui l'a fait guérir. Faites attention. Faites attention. Là, il n'y a pas de prière pour que tu sois sauvé. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse.